ton ton ton. Sound system, y'a pas de problème. Avec tous les DJ en toi, y'a pas vilain de système. Sound system, y'a pas de problème. C'est le week-end comme la semaine. Sound system, y'a pas de problème. Avec tous les DJ en toi, y'a pas vilain de système. Sound system, y'a pas de problème. On va parler sous tous les thèmes. Légalité, j'avoue de la légalité. Ne parle pas de la fatalité, moi j'ai pas le même paniqué. Moi t'as pas si fatigué, moi n'a pas d'accord. Le pain de la loterie, tu vois le ticket. Je vois que la belle africaine. Pour vous présenter, waga mon finesse, c'est ici. C'est pas qui s'est joué, c'est pas si on s'en va pour le Tennessee. Demande à que tu t'es si pris, sinon swing de la partie. Aïe oui, même si t'es pas né ici. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ, on va y'a pas bilan de système. Son système, y'a pas de problème. C'est le week-end comme la semaine. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ, on va y'a pas bilan de système. Son système, y'a pas de problème. Écoute le son de ma voix. J'en viens ici chanter pour toi. Sur une musique qui nous dit pas n'importe quoi. Tu sais le raga c'est pour tous les soldats. Car oui cette musique man ne date pas d'hier. Oui cette musique est semblable à une prière. Seulement trop de gens lui donnent une sale image. Comme c'est du baba cool fumant sur la plage. C'est son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ on croit y'a pas vilain de système. C'est son système, y'a pas de problème. C'est ça le week-end comme la semaine. C'est son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ on croit y'a pas vilain de système. C'est son système, y'a pas de problème. Pas d'héro, pas de coco, pas de gegra. Non pas d'acide, pas d'en fait, pas d'extra. Nous pour s'éclater on fume la ganja. Car les substances chimiques on n'aime pas ça. Guessman on veut un maximum de raga. Et aussi un max de sexy dada. Qui viennent whiny whiner dans la sepa. Et jusqu'au matin faut que ça bouge comme ça. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ on fait y'a pas bilan de système. Son système, y'a pas de problème. C'est ça le week-end comme la semaine. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ on fait y'a pas bilan de système. Son système, y'a pas de problème. Damsel, la petite dernière de la famille reggae. En janvier toujours pressé, paré pour tout niquer. C'est ce que t'aimes bébé, tu es paré. Laisse-moi aller, pas besoin de stresser. Et DJ dans le plafond, mettre ça carré. Oh ouais, la salle va chauffer. Oh ouais, j'dirais même bouler. Appelle les pompiers pour émettre le feu. Quand on va accuser, moi je sais. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ, on fait y'a pas bilan de système. Ce soir c'est son système, y'a pas de problème. C'est ça le week-end comme la semaine. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ, on fait y'a pas bilan de système. Son système, y'a pas de problème. Où sont les bad boys? Où sont ceux qui dérangent qui te mettent la bagaille? Ceux que les chefs de Babylone appellent la racaille. Pourra vous chercher, tu les trouveras pas. Car ce soir ils sont au son. Grâce ta man bad boy. Une longueur d'onde, la basse qui résonne. Le ghetto qui ronde. Y'a bonne Babylone. Fireball. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ on fait y'a Babylone tout seul. Son système, y'a pas de problème. C'est le week-end comme la semaine. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ on fait y'a Babylone tout seul. Son système, y'a pas de problème. Lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey, hey. Lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey, hey. Lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey, hey. Lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey. Tout le monde à la place est bougé. Regardez un solo, viens tout déchirer. Lève ton bras si tu veux tout niquer, baby. Bouge ton lot, ça, ça nous fait bander. Hey, hey, lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey, hey. Lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey, hey. Lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey, hey. Lady, vas-y bouge ton lot. Hey, hey, hey. Son système, y'a pas de problème. Avec tous les DJ, on fait y'a pas bilan de système. Ce soir c'est son système, y'a pas de problème. Pas de problème, gal. Tout le monde sait, tout le monde sait. Tout le monde sait, tout le monde sait. Tout le monde sait, tout le monde sait. Yeah, yeah. Son système.